Bonjour Maëlys et je vous dis à lundi. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous continuons de parler aujourd'hui de l'écrivain américain James Baldwin dans la compagnie des auteurs, au dernier jour d'une série en 4 épisodes proposée par Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Genepin et Laurent Travagli-Chanal, à la réalisation Rafik Zénine, derrière la console YouTube Diego Hack Lopez. Baldwin a vécu entre les États-Unis et la France et c'est dans ce dernier pays qu'il est mort en 1987, à l'âge de 63 ans seulement. Sa vie a été marquée par la lutte pour les droits civiques, mais également par son homosexualité, ainsi évidemment que par la publication de nombreux essais, pièces de théâtre, poèmes, scénarios de films, ainsi que de 6 romans comme Harlem Quartet ou encore Sibyl Street pouvait parler. C'est Virginie Depardieu qui nous a raconté sa vie lundi dernier au cours d'une émission disponible en téléchargement. Sibyl Street pouvait parler, c'est justement le titre du roman que Geneviève Brisac a évoqué pour nous hier en seconde partie d'une émission commencée sur le thème des liens que fait Baldwin entre sexualité et ségrégation raciale. L'universitaire Jean-Paul Rocky était dans ce studio pour nous éclairer sur ces points. Et puis mardi, nous sommes longuement arrêtés sur le court mais puissant essai de Baldwin intitulé « La prochaine fois le feu ». C'était grâce à Samuel Legitimus, fondateur du collectif Baldwin. Et aujourd'hui ? Et bien aujourd'hui, après la chronique de Stéphanie Genand, nous parlerons du roman Harlem Quartet avec la metteuse en scène Élise Vigier qui l'a adapté pour le théâtre. Et en première partie, pour faire le portrait d'un Baldwin politiquement plus radical que celui que nous avons découvert jusqu'à présent, je reçois Félix Boggio-Evangeppe. Il a publié avec Stella Magliani Belkacem l'essai Les féministes blanches et l'Empire à la Fabrique en 2012. Tous deux ont également travaillé au livre Nous sommes les indigènes de la République. C'était la même année aux éditions Amsterdam. Et puis toujours à quatre mains, ils ont postfacé le dernier essai de Baldwin, Chassé de la lumière, paru en 2015 aux éditions Ypsilon. C'est donc de cet essai dont nous allons majoritairement parler en première partie. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. La vie est comme elle est. Et puisque c'est comme ça, puisque j'étais né dans un certain pays à une certaine époque, je me trouve ici. Il n'y a pas moyen d'éviter, même pas une responsabilité, mais les faits. Moi, j'ai beaucoup de chance. Je ne suis pas mort, je ne suis pas un drogué, je n'ai pas fait de suicide. Si je suis écrivain, je suis une espèce de témoin. Et il faut que je fasse une espèce de témoignage pour les gens qui ne peuvent pas parler. Franchement, il y a des moments où on doute de tout. Et on n'a pas du tout envie d'écrire parce que ça a l'air d'être tout à fait inutile et même lâche. Mais par contre, moi, je me rends compte que je ne suis pas fait pour être politicien. Je ne suis pas un guerrier. Je ne suis pas un guérilla. Je ne suis pas fait comme ça. Je ne suis pas fait pour être le leader d'un mouvement. Je suis un écrivain. Donc, je suis forcé de faire une espèce d'acte de faith, un acte de confiance. Et supposant que il faut que je fasse mon travail, parce que il y a un jour qui va venir où ça peut être utile. Bonjour Félix Boggio-Evangeppe. Bonjour. Alors je ne suis pas fait pour être un guerrier, dit Baldwin dans cette archive. Et pourtant, on l'a souligné, cet essai, Chassé de la lumière, présente bien des caractères de radicalité. Est-ce que vous diriez que malgré tout, Baldwin était un guerrier ? Guerrier, non, parce que effectivement, dans la conjoncture dans laquelle il parle, il y a effectivement des guerres qui sont des guerres révolutionnaires, des combattants. Qui sont en action, qui sont c'est des personnes que Baldwin pour certains connaît, pour d'autres il en entend parler, il est témoin de des combats qui se mènent par-ci et par-là, que ce soit au Vietnam, que ce soit en France, parmi les Algériens qui combattent pour leur indépendance, ou que ce soit les militants des Black Panthers qui sont ne mènent pas à proprement parler une lutte armée, mais qui sont pour leur action pourchassés et réprimés très sévèrement par les services de renseignement américains. Mais il reste en marge. Lui, il prend donc dans le texte dont on parle aujourd'hui, si on parle effectivement de radicalisation, de radicalité dans ce texte, c'est qu'effectivement il prend position là clairement pour un certain nombre de ses combattants. Mais effectivement, il reste en marge d'une certaine façon, mais il assume cette position inconfortable. Et je dirais que ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que c'est un livre qui a un certain qui fait preuve d'engagement, mais qui assume en fait sa part de d'impossibilité ou de tragique, c'est-à-dire que finalement c'est comme d'autres textes de Baldwin, ça reste un texte très introspectif, très bon, qui fait part de doutes, qui fait part de d'inconfort et en même temps c'est un texte qui essaye de retourner en fait cet inconfort, la honte qu'il éprouve parfois de par la position dans laquelle il est, le fait justement qu'il est en marge de ses combats, il arrive à retourner cette honte en sentiment réellement subversif. Et du coup, il renforce sa parole, justement en adoptant cette position, en acceptant cette position. Ouais, il y a toujours eu une sorte de culpabilité chez Baldwin, peut-être parce qu'il est parti en France aussi et qu'il a eu le sentiment d'avoir peut-être abandonné ses frères et sa famille. Quand je dis ses frères, c'est au sens aussi de ses frères noirs. Alors oui, c'est-à-dire que effectivement là vous faites référence aussi à un épisode du texte dont on parle, hein, c'est-à-dire que Baldwin à un certain moment effectivement raconte son départ pour la France et raconte aussi du coup là pour lui l'impossibilité de trouver en fait un refuge au système raciste. C'est d'abord en constatant que le système de la suprématie blanche existe en France aussi à l'encontre des Algériens. D'abord il se rend compte de ça. Et donc, là encore, il est un petit peu en marge, c'est-à-dire que oui, bien sûr. Il ne connaît pas tellement de personnes qui sont directement affectées par la guerre d'Algérie. Il connaît pas d'Algériens en France. Et puis, lui-même vit avec les Américains de Paris. Donc, il est toujours dans cette espèce de culpabilité de pas être vraiment exactement là où se fait la lutte. Voilà. Mais en tout cas, il réalise que du coup, on peut pas en fait trouver de refuge à la suprématie blanche, que ce soit dans la mobilité sociale ascendante, parce qu'il y a d'abord il y a ça aussi comme culpabilité. Le livre s'ouvre aussi avec une anecdote sur un sentiment de trahison des siens, hein, des noirs qui sont restés dans une certaine pauvreté et finalement en réalisant que le système raciste plonge ses racines beaucoup plus profondément dans l'histoire coloniale européenne et états-unienne, finalement il comprend qu'il n'y a pas de position en fait de confort et de neutralité. Et il revient aux États-Unis en disant, voilà, maintenant c'est à mon tour de prendre part au combat. J'ai quitté la France en 52 pour rentrer chez moi. Et c'est là, il faut dire que quelque chose commençait à arriver dans mon esprit. Car ça faisait 4 ans quand même que j'étais pas à New York. Et de revenir à New York après 4 ans, c'était un grand choc. Et quand j'ai commencé à voir New York pour la première fois, à travers de la vie que j'ai menée à Paris, donc j'ai vu les gens dans la rue de New York, que j'ai vu à Paris, mais dans un autre contexte, tu vois. Et j'ai commencé à comprendre quelque chose entre l'Amérique et l'Europe que je n'ai jamais pensé avant. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à comprendre quelque chose qui me liait avec les Africaines et les Algériennes, dont je n'ai jamais pensé avant non plus. Tu comprends ce que je veux dire? Et par la suite, comme tu sais, il y avait la guerre entre l'Algérie et la France. Et j'étais ici pendant toute cette époque-là, enfin, jusqu'en 1957. Quand j'ai quitté la France encore pour rentrer aux États-Unis, cette fois-ci, d'après moi, pour le bon. Surtout à cause de choses que j'ai vues à Paris pendant cette guerre. Tu vois, mes amis qui disparus, enfin, et il faut dire que j'ai vu d'assez loin, puisque je n'étais pas français, puisque je n'étais pas algérien, puisque je n'étais pas africain, et puisque j'étais américain, mais un drôle d'américain. Tu vois ce que je veux dire? C'est la cause de la guerre. Là, je lui avais directement la cause. J'ai décidé finalement que, puisque je ne pouvais rien faire ici, de rentrer chez moi. La compagnie des auteurs sur France Culture, et nous parlons de cet essai Chassé de la lumière de James Baldwin avec vous, Félix Bodjo et Van G.E.P. Chassé de la lumière, qui est à la fois un essai et une autobiographie. Et je crois que c'est ça qui en fait vraiment la particularité. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, comme je disais, Baldwin a besoin d'expliciter la position depuis laquelle il parle dans le conflit politique dans lequel il se trouve. Il parle de lui, il parle de son père, il parle de son frère qui va quitter la maison parce qu'il est en désaccord avec son père ce qui va pour son père être une déchirure. Donc il y a sans cesse cette manière de mêler le politique avec finalement l'émotionnel, avec son histoire personnelle. Oui, bien sûr, parce que alors d'abord la question, la figure du père est omniprésente, hein, je crois, dans les essais de Baldwin. Hein, c'est quelque chose qu'on retrouve, hein, dans un très grand nombre d'essais. Oui, c'est-à-dire que Baldwin, c'est quelqu'un qui doit sans cesse clarifier en fait à travers en fait son émotion, son parti pris, des partis pris parfois qui sont purement affectifs. Qu'est-ce qui se passe en fait d'un point de vue parfois simplement éthique, c'est-à-dire que Baldwin, c'est quelqu'un qui s'adresse très souvent à la conscience publique et notamment à la population blanche, en disant vous devez être comptable de vos actes et vous devez faire face à votre responsabilité. Et la puissance en fait avec laquelle il peut adresser ce message, c'est parce qu'en fait il n'a pas une pensée systématique en fait, hein, il n'a pas une théorie sociale du capitalisme mondial, du système de la suprématie blanche. Il n'est pas marxiste. Voilà, c'est-à-dire qu'il part pas avec une analyse en fait a priori. C'est au fur et à mesure en fait de son cheminement qu'il aboutit en fait à des conclusions qui sont alors à mon sens de plus en plus radicales et de plus en plus en phase en fait avec un certain nombre de mouvements politiques radicaux qui voient le jour à la fin des années 60, enfin qui prennent en tout cas leur essor à la fin des années 60. C'est-à-dire qu'il nous restitue en fait chaque étape affective en fait de ce parcours. Voilà, que ce soit dans la sphère la plus intime auprès de ses proches, de sa famille, et de comment il se positionne en fait par rapport à ses parents, par rapport à ses proches, mais aussi par rapport à ses amis. C'est-à-dire que c'est aussi un récit d'amitié déchirée par l'emprisonnement, donc déjà voilà l'ébauche de, enfin, c'est-à-dire qu'il trace du coup des liens entre des choses qui sont assez disparates dans l'expérience individuelle, mais qui chez lui finissent par faire système presque. On ne sait pas si c'est par hasard ou si c'est par il y a une sorte de, c'est après aussi c'est la espèce de clairvoyance un peu prophétique que Baldwin assume complètement et qui se retrouve aussi dans les figures littéraires qui sont complètement empruntées à la Bible. C'est-à-dire, ne serait-ce que Chassé de la lumière, c'est une citation de la Bible, et chaque sous-partie du livre est ponctuée par des citations de l'Ancien, d'ailleurs je crois surtout l'Ancien Testament. Et donc on est toujours voilà dans cette espèce de parole un peu qui s'autorise d'elle-même comme une prophétie, c'est-à-dire que c'est pas, elle s'autorise pas d'un travail savant préalable ou d'une formation politique, mais c'est justement cette espèce de cheminement un peu intuitif, sauf qu'évidemment quelque part Baldwin ne prétend jamais parler au nom de Dieu ou si peu, mais finalement voilà, c'est une espèce de révélation prosaïque qui est le fruit d'expériences affectives existentielles enchevêtrées comme ça. Donc vous parlez de Chassé de la lumière comme d'une sorte de conversion, et c'est vrai que l'un des points forts de cette conversion, c'est le récit qu'il fait de ses rencontres avec Malcolm X. Alors ça, je crois que ce sont des passages inédits en tout français. À fait, oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, alors c'était une surprise, parce que bon, le texte, c'est une réédition d'un ouvrage épuisé, mais effectivement, notre éditrice Isabella Scaglini, en se penchant un peu sur les textes originaux, s'est rendu compte qu'une partie du manuscrit original n'avait pas été traduite. On ne sait pas exactement ce qui s'était passé à l'époque. La traductrice n'ayant pas, enfin voilà, il n'y avait pas forcément d'explication très claire sur la chose. Mais alors oui, c'est un passage qui est important parce que bon, si on a lu quand on a lu La prochaine fois le feu, on se souvient de l'extrême prudence avec laquelle, voire parfois hostilité avec laquelle Baldwin parle de la Nation of Islam, et donc l'espèce de contraste très fort qu'il présente entre une conception qu'on appelle dans le contexte États-Unis intégrationniste, faut pas. Bah, c'est-à-dire que dans La prochaine fois le feu, on a le sentiment qu'il est en effet qu'il garde encore un pied dans cet intégrationnisme, alors que dans Chasser de la lumière, c'est comme si il était passé du côté militant la force. Est-ce qu'il y a là comme une volonté de se rapprocher peut-être d'un certain nombre de personnes, de ses proches, de sa jeunesse, de son enfance, des gens qui sont restés à Harlem, qui n'ont pas connu, comme lui, une forme d'émancipation. Et est-ce que vous ne pensez pas que dans ce dernier essai, il y a une volonté de leur tendre un petit peu la main en ayant un discours qui est peut-être plus radical, mais qui va peut-être leur parler davantage? Qu'en pensez-vous? Alors d'abord, faudrait pas trop passer sous silence le fait que la carrière militante, enfin l'aspect, on va dire, intervenant de Baldwin, en fait, bon, il date pas de cet essai-là. Hein. C'est-à-dire que quand on parle d'intégrationnisme, il faut pas, justement, ce que j'essayais de préciser, c'est que en France, le mot intégration, il a effectivement un sens très spécifique par rapport à notre histoire, à l'histoire coloniale, à l'histoire de l'immigration. Aux États-Unis, l'intégrationnisme, c'est simplement l'idée de d'en finir avec la ségrégation raciale. Hein. Donc, c'est un discours qui s'oppose au nationalisme noir, au sens où le nationalisme noir revendiquait d'abord l'auto-organisation communautaire des Noirs. Et donc finalement, quand on dit que Baldwin était intégrationniste, il est intégrationniste au sens où, pour lui, la priorité du combat, c'est dans des organisations des droits civiques qui font des actions qui tendent à remettre en cause la ségrégation. C'est-à-dire qu'il y avait des organisations déjà assez radicales au début des années 60 ou même dans les années 50 qui sont dont en fait l'objet c'est la fin de la ségrégation, qui organisent des sit-ins dans des cafés ségrégés, etc. Donc Baldwin n'est pas du tout à l'écart de ce processus. En revanche, ce qu'il constate, c'est la caducité de certaines oppositions stériles qui sont en fait tout simplement le fruit de la conjoncture intellectuelle américaine marquée par la guerre froide, dans laquelle en fait ce qu'on appelle les libéraux, c'est-à-dire en fait les progressistes de l'époque, sont en hostilité par rapport à tout ce qui peut ressembler à du communisme ou à l'Union soviétique et finalement Baldwin il cesse de s'auto-censurer par rapport à ça. Alors l'aspect c'est-à-dire qu'il arrive à dire aussi finalement les libéraux c'est peut-être aussi pas nos ennemis, mais enfin peut-être qu'ils nous comprennent pas non plus. Voilà, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'il se rend compte que bien sûr il renie absolument pas son engagement aux côtés de Martin Luther King, mais ce qu'il remet en cause, c'est tout le discours qui vise à opposer Martin Luther King et Malcolm X. Et c'est un discours d'ailleurs qui est encore très présent aujourd'hui. Voilà, l'opposition entre non-violent, violent, entre universaliste ou intégrationniste d'un côté et de l'autre nationaliste ou communautariste, hein, si on prend un peu la terminologie qu'on peut entendre en France. Universaliste, communautariste. L'opposition, ouais, c'est-à-dire, en gros, voilà, on oppose très souvent à Martin Luther King qui veut, en gros, l'amour universel, tout le monde ensemble, et puis de l'autre, un Malcolm dur et qui veut en fait le séparatisme. Baldwin se rend compte que les choses sont plus complexes, et c'est aussi parce que justement, et c'est là où peut-être son aspect moins systématique l'aide à dépasser ça, c'est parce qu'il se rend compte que comme figure existentielle et comme figure morale, Malcolm, c'est quelqu'un qui complète Martin Luther King. C'est-à-dire que il faut ce que dit Baldwin, c'est qu'en substance, il faut pas entendre Malcolm comme un comme une espèce de comme quelqu'un qui porte un projet politique de séparation raciale clé en main, donc où les Noirs seraient dans leur espèce de d'îlot séparé. C'est quelqu'un qui en fait représente le enfin qui représente l'envers et le mais aussi la mise en cause là encore avec une dimension prophétique indéniable de la bonne conscience blanche, et y compris de la bonne conscience progressiste. Et Baldwin, il se rend simplement compte que cette bonne conscience progressiste qu'il a accompagnée avec le mouvement des droits civiques, finalement, là vous avez tout à fait raison, elle n'est pas en fait en phase avec ce qui se passe et la situation des personnes des classes populaires. Donc Obama, par exemple, vous pensez que on peut pas évidemment, bien évidemment oui, faire de politique fiction, mais ça aurait pas forcément été un président qui aurait été soutenu par James Baldwin. Ben voilà, c'est clairement non. Si on suit en fait sa pensée. Bien sûr que non, parce que bon, l'un des partis pris quand même très courageux de Baldwin dans ce texte, c'est quand même d'abord l'engagement contre le militarisme américain. C'est-à-dire que c'est un texte où il dit. C'est un texte qui s'engage clairement contre la guerre du Vietnam, mais qui se prend en fait, qui se rallie en fait à la cause du tiers-monde dans son ensemble. Mais il faut remarquer quand même que cette évolution-là, elle est perceptible chez un grand nombre en fait de leaders afro-américains et en particulier Martin Luther King. Au moment où il est assassiné, il prend des positions très clairement contre la guerre et y compris contre les injustices économiques aux États-Unis. Donc en fait, il y a une espèce de lame de fond par rapport à laquelle Baldwin une espèce de porte-voix, mais à sa manière très singulière, bien sûr. Des auteurs sur France Culture. Alors, dans un entretien, Baldwin a dit qu'il avait une dette formelle envers Henry James. Est-ce que vous voyez en quoi le fait de lire Henry James a pu aider James Baldwin, Félix Baudieu et Vangé Epée? Oui, alors c'est quelque chose qu'avec effectivement ma co-autrice pour la postface, on a essayé de c'est quelque chose qu'on a essayé de clarifier sur les aspects formels du texte, et qu'effectivement Baldwin a une écriture qui est assez atypique, y compris du point de vue de la littérature africaine-américaine. En fait, pourquoi donc Henry James? C'est là où il faut souligner l'importance du parti pris, en fait, on pourrait dire moderniste en littérature, avec toute cette place donnée à l'introspection, au flux de conscience, et finalement la recherche de formes de récit qui soient pas forcément totalement linéaires, qui soient parfois un peu éclatées, qui soient centrées sur des moments existentiels qui vont soulever des enjeux éthiques sans forcément apporter de réponse. C'est pas un moraliste, hein, mais en tout cas tirer souvent la sonnette d'alarme et avertir surtout. Et donc Henry James, c'est aussi quelqu'un qui était dans une recherche d'identité, comme beaucoup de gens, entre l'Europe et les États-Unis pour ce qui le concernait. Et l'identité, c'est évidemment au cœur de la problématique de Baldwin. Cette identité que d'ailleurs on peut retrouver aussi dans la question du point de vue jamesien. Sur cette question-là, qu'est-ce que vous auriez envie de nous dire? Ah oui, alors là, sur l'aspect identitaire de l'œuvre de Henry James, là je dois avouer que je ne suis pas... oui, bien sûr. C'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que j'essaie de dire ici, hein, c'est qu'effectivement, Baldwin il nous fait part en fait d'un cheminement et il présente des interrogations et parfois des choses qui même existentiellement un peu l'interpelle. Et il en tire des conclusions quand même. C'est-à-dire que c'est pas, ça s'arrête pas sur des, sur des, sur, voilà, des interrogations. C'est, il nous pré, voilà, c'est des espèces de moments éclairs, un peu de, c'est des fulgurances comme ça, de positionnement éthique, de gens qui, voilà, qui, dans le combat, ou dans même leur passivité, hein, on parle d'un passage dans lequel, il constate simplement, même avec la passivité avec laquelle avec les noirs, la passivité avec laquelle il voit dans un restaurant ségrégué des noirs manger à table, il en tire. Oui, parce qu'il y a deux portes dans ce restaurant. Voilà. Donc il rentre dans une, par la mauvaise porte entre guillemets. On lui dit bah non, il faut que vous alliez par la porte réservée aux gens de couleur. Donc il y va, et là il voit qu'en effet ses frères noirs vont par cette porte-là, et qu'ils trouvent ça finalement non pas normal, mais qu'ils acceptent de passer par cette porte-là. C'est ça que vous voulez, c'est à ça que vous faites référence. C'est à ça, ouais. Et ce qui est assez intéressant dans ce passage, c'est que véritablement à ce moment-là, il dit ouvertement, enfin, il retourne complètement la ce qu'on pourrait percevoir comme de la pure passivité, du pur consentement, comme une espèce de détermination de faire, et il dit, si j'étais eux, je m'inquiéterais de ces gens qui sont capables de soutenir une telle humiliation, et de s'en sourciller, et c'est justement par cette espèce de parti pris complètement subjectif et complètement partial, qu'il est à même de porter ce genre de regard, voilà. Alors pour terminer, Félix Bodjo et Van J.P., peut-être un mot sur ce qu'apporte en termes de rapport aux sciences humaines, finalement, le texte de Baldwin, parce que dans la première édition française de ce texte, il est annoncé que James Baldwin traitait des questions raciales. Et ce terme de questions raciales, c'est un terme qu'on a vu apparaître plus tard, au début des années 2000, mais dans les années 70, il y a vraiment un regard qui est très spécifique, qui est très nouveau. Bah non, mais c'est parce que nous, quand on lit cette phrase, on est un peu étonné, mais évidemment, probablement c'était des d'abord, bon, le fait de parler du contexte états-unien devait faciliter l'emploi du terme, et c'était sans doute aussi... Qu'est-ce qui vous étonne exactement? Bah, ce qui est étonnant, c'est que comme vous le disiez, le terme, même sous cette forme-là, il apparaît dans les sciences humaines et dans le débat public au début des années 2000, et en particulier après les débats suscités par les émeutes de 2005 dans les quartiers populaires en France, et puis les débats autour de la tentative de réintroduire les bienfaits de la colonisation dans l'enseignement de l'histoire en France. Et donc, ce qui est étonnant, c'est la précocité un peu de l'emploi du terme. En même temps, c'est probablement facilité par l'éloignement du lieu. Mais après, l'apport du texte de Baldwin, c'est tout simplement que, en présentant la question de la suprématie blanche comme une question transnationale et comme Baldwin, il met en lien l'oppression en Afrique du Sud, aux États-Unis, en France à travers le colonialisme, à travers Israël, l'oppression des Palestiniens. Et donc l'apport décisif, qui est parfois un peu, même encore aujourd'hui, trop peu souligné, précisément de situer le système en fait d'oppression ce qu'on peut appeler les minorités raciales, à travers un système en fait impérialiste mondial et divers relais, quoi. Merci beaucoup Félix Bodjo et Van J.P. Je rappelle donc que vous avez postfacé le dernier essai de Baldwin, dernier essai écrit évidemment par Baldwin. Il s'appelle Chasser de la lumière. On peut se le procurer aux éditions Epsilon. Tout de suite la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et comme tous les jeudis, nous demandons à une grande lectrice ou un grand lecteur de venir nous parler de l'écrivain dont il est question toute la semaine dans cette émission, ainsi que d'une actualité de leur choix. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver Stéphanie Genant, maître de conférence HDR à l'Université de Rouen. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Et vous avez intitulé votre intervention d'aujourd'hui « Outsider du dedans ». Comment est-ce que cela s'applique à James Baldwin ? Eh bien, parce que moi, j'ai découvert la figure de Baldwin, comme beaucoup de gens qui ne sont pas spécialistes, par le documentaire Choc de Raoul Peck, I'm Not Your Negro. Et en voyant ce film, d'abord, ce qui m'a frappé, c'est la position intenable dont il a déjà été question. Félix vient d'en parler, de ce Baldwin qui est américain et qui en même temps se sent d'ailleurs de cette Amérique, étranger à son propre pays. C'est ça qui, moi, m'a frappé, étranger par la couleur, mais pas seulement, par la sexualité. Enfin, il y a toute une déclinaison chez lui de la bâtardise, ça a été dit dans l'émission de lundi, aussi d'une naissance illégitime, d'une place à part. Mais surtout, ça se réalise politiquement dans l'horreur de voir ce qui pourrait passer pour un emblème de la démocratie. Au XXe siècle, l'Amérique générait en son sein un épisode aussi affreux que la ségrégation. Donc c'est bien un outsider du dedans, quelqu'un qui du coup s'est senti étranger violemment à son propre pays, qui en est parti, mais qui du coup a pu jeter sur lui aussi un regard d'autant plus libre qu'il n'était plus... aussi plus américain, être américain, ne pas l'être. Quoi. Alors, c'est aussi que la ségrégation donne lieu à une réflexion anthropologique qui est plus large chez James Baldwin, Stéphanie Genorme. Alors c'est ça aussi qui m'a effectivement intéressée, dont il a été question aussi tout à l'heure. La question noire chez Baldwin, on le voit bien, dépasse la question noire. Moi, ce qui me frappe aussi dans sa trajectoire, c'est une horreur qui le saisit, qui universellement consiste à froidement décréter qu'une partie de l'humanité n'est plus dans l'humanité. D'ailleurs, il fait souvent le parallèle aussi avec la Shoah en Europe. Hein. Nous aussi, on a notre propre part. Ce qui a pu d'ailleurs causer des polémiques. Mais en même temps, moi, dans son raisonnement, je comprends très bien. Lui, ce qui l'intéresse, c'est ces moments absolument incompréhensibles où un être humain sort de l'humanité. Nous sortons de l'humanité quand nous décrétons qu'une partie de l'humain ne fait plus partie de l'humanité. Comment des hommes, des humains, peuvent comme ça tomber dans ce que Baldwin appelle l'apathie? Et ça, c'est une expérience, bien sûr, dont la ségrégation est un épisode fort et particulièrement horrible et qu'il a vécu lui-même, mais malheureusement qui se décline dans toutes les situations politiques. Félix l'a parlé. Enfin, il y a toujours une minorité de gens qu'on déclare hors de l'humain. C'est ça qui, moi, me frappe chez Baldwin. Sur un plan littéraire, est-ce que vous avez eu l'occasion de lire des romans de James Baldwin? J'ai lu ses nouvelles, son recueil, qui là encore est un choc total, hein, Face à l'homme blanc, qui est un recueil où se décline la violence dans des situations quotidiennes toutes simples. Il y a toujours un rapport de force. C'est ça qui est saisissant et qui est d'autant plus saisissant que le récit resserré de la nouvelle s'y prête. Le rapport de force, ça peut être entre un père et ses enfants. Hein, la filiation est toujours quelque chose aussi très autoritaire. Donc du coup potentiellement menaçant, hein, parce que l'enfant appartient à ses parents. Ça peut être aussi dans les nouvelles le rapport aux animaux. Hein, il y a un maître et son chien. Baldwin dit le chien appartient au maître. Et donc on peut faire ce qu'on veut du chien. Et Baldwin dit aussi oui, mais le chien il a le droit de mordre aussi. Enfin, c'est une nouvelle déclinaison de cette propriété. On voit bien derrière aussi bien sûr la question de l'esclavage. Et puis le recueil de nouvelles s'achève sur ce texte choc, hein, Face à l'homme blanc, qui raconte une castration et un lynchage à laquelle assiste un couple et qui amène son enfant. Et Baldwin raconte à la fois l'horreur de la scène et l'horreur de la foule qui jouit au sens sexuel de la scène. Hein, et le père de famille qui a une érection en voyant une castration. Enfin, c'est atroce. Et du coup, ce que Baldwin montre, c'est que la violence et l'horreur, elle est complexe. Elle est dans ce qu'on fait, mais elle est aussi dans ce qu'on ressent. Et d'ailleurs, le personnage, dans plusieurs de ses nouvelles, le personnage souvent a lui-même aussi envie de tuer sauvagement, par exemple, à un moment donné, une logeuse qui vient lui dire « je veux pas de noir dans ma maison ». Et là, le personnage qui est un écrivain noir qui vit à New York, je crois, a envie de la tuer, et de la tuer sauvagement. Et du coup, c'est cette banalité de la violence que ça fait surgir chez nous qui l'intéresse. Je trouve qu'il fait froid dans le dos et qui est vraiment saisissant. Alors, est-ce que Albert Thibaudet fait également froid dans le dos? Ça, on ne le sait pas. Critique littéraire et historien qui était aussi académicien, un autre outsider du dedans, et c'est ce personnage qui est au centre de l'actualité éditoriale que vous avez voulu nous présenter aujourd'hui. Alors, en moins fort, hein, attention, c'est même. Une espèce de déclinaison institutionnelle de l'outsider du dedans, qui est une formule qu'on a appliquée à Thibaudet, et c'est pour ça que j'ai eu envie de les associer. Thibaudet, c'est un peu un marginal. Il y a un volet institutionnel aussi aux bâtards, à ceux qui ne se sentent jamais de leur propre pays ni de leur propre modèle. Thibaudet est un des plus grands critiques littéraires du début du XXe siècle, et il a plusieurs fois tenté d'avoir des prix à l'Académie. L'Académie, c'est chez nous, en France, une espèce de machine de normativité. Et justement, Thibaudet n'a jamais eu le prix de l'Académie, ou une seule fois, sur son discours sur Ronsard en 1896. Et du coup, Stéphane Zéquian, qui est chercheur au CNRS, a récemment édité tous les discours ratés de Thibaudet à l'Académie, et qui forment donc cette série de six discours consacrés à des auteurs qui vont de Chénier, Athènes, pour Chénier, Fontenelle, Vigny, etc. Et on y voit, à travers ces discours, la fabrique de la norme littéraire française, d'un certain canon. Et on voit un des plus grands auteurs, justement, critiques, inventer une langue nouvelle, mais parce qu'il ne réussit jamais à rentrer dans l'institution, ni même à en respecter les cadres. La critique de Thibaudet est une critique très libre, très étrangère aussi à son propre pays. Merci beaucoup Stéphanie Genant pour ce commentaire et puis aussi ce conseil de lecture. On se retrouve très bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Au dernier jour de notre série consacrée à James Baldwin, nous parlons à présent de Harlem Quartet avec Élise Vigier qui a adapté au théâtre ce qui est au départ un roman et dont voici un extrait lu par Patrick Carl. Il me semblait bizarre d'avoir été traîné jusqu'à cette église pour écouter une gamine de 9 ans prêcher l'évangile. Quelqu'un se payait la tête du public et je compris que ce devait être son père et sa mère qui ne me paraissaient certainement pas très orthodoxes. Malgré ses bibis provoquants et ses jupes très moulantes, la mère de Julia faisait la meilleure impression des deux. Elle avait un arrière-train superbe, des seins hauts, fermes, exigeants, de longues jambes, et elle portait constamment des talons aiguilles pour être bien sûr qu'on remarquât ses jambes. Quand elle était heureuse, elle se caressait les seins et lorsqu'elle se mettait à crier, je contemplais ses cuisses, ses jambes, ce cul. Et mes 18 printemps bandaient dans ces lieux saints de manière si désespérément païenne qu'on pouvait certainement m'entendre, pauvre pêcheur, en gémir. Bonjour Élise Vigier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors cet extrait qu'on vient d'entendre, évidemment vous le reconnaissez, hein, vous avez travaillé très profondément sur ce texte. Est-ce que vous pouvez nous le replacer un petit peu dans l'histoire de ce roman, l'histoire racontée par ce roman Harlem Quartet? Alors c'est Hall Montana, donc le narrateur de l'histoire, qui apprend la mort de son frère, c'est le début du livre, qui est Arthur Montana, qui est un chanteur célèbre de gospel. Et à partir de cette mort, justement, Baldwin va construire un récit qui est pas du tout linéaire, puisque il fait tout un travail sur la mémoire. Donc il meurt très jeune, hein, voilà, ce pauvre Arthur. Voilà, il meurt à 37 ans, 38 ans. J'ai un problème avec les dates, je me rappelle d'aucune date. Mais voilà, donc en fait c'est le petit frère qui meurt, donc c'est déjà anormal. Et il meurt dans des toilettes pour hommes à Londres. Donc Arthur était homosexuel, chanteur de gospel célèbre. Et à partir de cette mort, Hall, donc le grand frère, va repartir dans leur vie commune depuis leur enfance à Harlem. Et donc l'extrait qu'on vient d'entendre est dans cette première partie du livre, puisque le livre est divisé en 5 livres. Et cette première partie du livre se passe à Harlem, dans le ghetto de Harlem, dans les années 49-50. Et donc c'est l'autre famille, puisqu'ils sont très proches d'une autre famille, là, de Julia Miller, qui est une enfant prêcheuse. Donc ça, on vient d'entendre une référence à cette petite fille prêcheuse qui a seulement 9 ans, qui enflamme les foules. Et donc elle fait partie de ce quartet, ces quatre adolescents qui sont quatre amis et frères et sœurs. En fait, Baldwin, dans ce roman, il décline vraiment plusieurs quartets, puisqu'il y a le quartet des amis. Arthur fait de la musique dans les églises avec, donc ils sont quatre. Il y a ce quartet de Julia Miller, la petite enfant prêcheuse, qui va devenir l'amoureuse de Hall à un moment. Son petit frère Jimmy Miller, qui va devenir le dernier amant d'Arthur, avec qui donc il a passé la fin de sa vie, et avec qui il n'est pas au moment où il meurt, mais il est amoureux de lui, mais il n'est pas là physiquement. Il y a les deux frères, enfin Baldwin compose. Il y a les quatre parents aussi, qui sont moins présents dans l'adaptation théâtrale qu'on a faite, mais qui sont très présents dans le livre. Donc il fait vraiment des... Il fait une variation quand même sur qu'est-ce que ce quartet musical, mais ce quartet amoureux, ce quartet amical, ce quartet parental, fraternel. C'est vraiment un livre sur l'amour, je crois. Mmh. Ouais. Sur l'amour et puis sur le passage du temps, hein, vous avez commencé à le dire, d'abord parce que Hall, le narrateur, se souvient, mais aussi parce qu'il y a une réflexion, justement, sur ces années qui passent et comment est-ce qu'on a pu se séparer, comment est-ce qu'on a pu, pourquoi est-ce qu'on meurt si jeune, et une réflexion tout simplement sur la vie. Le livre commence aussi avec, en fait, Hall parle, finalement entame ce travail de mémoire parce que son fils lui pose une question, lui demande qui était son oncle. Parce que à l'école, on le traite de PD. Donc, je pense que c'est quand même vraiment aussi le trajet de Baldwin. Moi, il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur chez Baldwin, c'est tout son travail pour les générations futures, pour qu'est-ce qu'on laisse justement, à qui on le laisse, comment on le laisse, quelles paroles on laisse, quel travail on fait au présent pour que après ça change peut-être. Il a vraiment un rapport aux enfants. Il y a notamment... Il adorait les enfants d'ailleurs. Voilà. Enfin, il s'entendait très bien avec ses neveux et nièces, etc. Dans Retour dans l'œil d'un cyclone, il y a une conférence pour les enseignants qui est magnifique. Donc voilà, donc le livre commence là-dessus. Et c'est vrai qu'après, ça interroge tout ce temps passé ensemble, ce temps d'une vie finalement, où il y a la petite histoire humaine et la grande histoire traversée, où la question de la disparition est sans cesse présente, puisque ils perdent un ami donc du quatuor, puisque Arthur commence la musique avec ses amis et ils partent en tournée dans le sud, et il y a notamment Peanuts, donc un de leurs amis, qui disparaît. Et sur ce qui vient d'être dit avant aussi, cette question de la disparition, mais dans le... Enfin, Baldwin interroge, je trouve, aussi tout le temps, et dans ce livre-là, vraiment, le rapport au corps, le rapport à qu'est-ce qu'il y a comme trace, en fait, dans les rapports amoureux, ou les rapports fraternels, ou les rapports amicaux. Qu'est-ce que ça laisse comme trace? Et quand quelqu'un disparaît complètement, qu'il n'y a plus de trace... qu'est-ce que ça laisse comme trou aussi. Alors vous avez donc adapté et mis en scène Harlem Quartet, c'était son sixième roman, il avait paru en 1979, 8 ans après sa mort. Je signale qu'il a été réédité l'année dernière aux éditions Stock avec une préface d'Alain Mabankou, et donc vous avez créé votre spectacle en novembre dernier au Théâtre de Créteil. Ensuite, il a tourné un peu partout en France, à Rennes, Colombes, Lyon, Caen et Ivry jusqu'au 30 mars dernier. Donc maintenant, c'est un peu l'heure du bilan. Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience d'adaptation? Et ce texte qui a dû du coup vivre beaucoup dans votre esprit. En fait, ce texte, il a vécu beaucoup avec moi, puisque c'est un texte que j'ai lu il y a longtemps, il y a 20 ans, par Nantené Traoré, qui est mon ami aussi. C'est aussi une histoire d'amitié, finalement, qui voit le jour au plateau aussi. Donc, il m'a fait lire ce roman que j'ai aimé passionnément. Après, j'ai lu tout ce qui était traduit de Baldwin à l'époque, et il y en avait beaucoup moins que maintenant. Mais vous trouvez qu'Harlem Quartet, c'est le chef-d'œuvre ? Je sais pas si c'est le chef-d'œuvre, mais en tous les cas, c'est moi, c'est celui qui me parle le plus parce qu'il y a quelque chose dans Harlem Quartet, oui, sur le temps, comme vous dites, sur, enfin, sur la question pourquoi on est là, qu'est-ce qui nous anime, et aussi peut-être sur la jeunesse. Mmh. Enfin, c'est un texte qui finalement parle magnifiquement de la jeunesse aussi, de cet endroit où on expérimente tout, et puis après comment on fait avec cette expérience, et je crois qu'il y a de ça aussi. Donc j'avais lu ce texte il y a très longtemps, après je l'ai oublié, je l'ai offert à mes amis et ainsi de suite, voilà. Et puis au moment où je me suis dit que j'allais l'adapter, il y a eu 3 ans de travail avec notamment aussi un voyage à Harlem, parce que c'était l'idée. Vous avez vraiment voulu vous imprégner d'Harlem, même si Harlem a dû beaucoup changer, je pense. Aussi l'idée d'un voyage, c'était aussi parce que c'est vrai que Baldwin, je trouve, parle vraiment de cette rencontre avec l'autre qui n'est pas soi, en fait, et que on ne peut pas se positionner avec des a priori déjà pensés. Et du coup, c'était aussi l'idée d'effectuer un voyage, une rencontre aussi avec un pays, avec un lieu, Harlem, avec les Noirs américains qu'on a rencontrés, évidemment, pas tous les Noirs américains, non, mais certains. Mais Baldwin était présent dans leur mémoire. Tout le temps. Il est très très présent là. À Harlem, il est vraiment très présent. Tout le monde connaît. Et puis aussi tout ce rapport à la religion, qui est très différent de ce que nous on peut connaître ici, c'est-à-dire même les chants, parce que c'est quand même aussi un livre sur le gospel, sur la musique, sur le silence, sur le cri en fait, sur la douleur, sur ce qu'on peut dire, ce qu'on peut pas dire, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui ne se dit pas. Et d'ailleurs le livre finit aussi avec le monde en feu, enfin ce chant que quand le monde est en feu, ne veux-tu pas Dieu comme oreiller? Bon, on est en plein dedans là. Et Baldwin maintient toujours ce point de vue aussi, curieux, je crois aussi. C'est-à-dire curieux, oui, avec ce qui n'est pas forcément son propre point de vue. Je propose d'écouter justement un extrait de votre adaptation. C'est justement le moment de la mort d'Arthur. Ce putain de sang a d'abord jailli par ses narines, ça a fait trembler les veines de son cou, et puis le torrent écarlate a explosé par sa bouche, il a atteint ses yeux et l'a aveuglé, et Arthur est tombé. Mon frère. On l'a retrouvé mort dans les toilettes pour hommes au sous-sol d'un pub à Londres. Personne ne m'a dit comment il était mort. La presse américaine a parlé du décès d'un chanteur de gospel plein de sensibilité, mort à l'âge improbable de 39 ans. Le matin de la mort de mon frère, le soleil brillait comme jamais je n'avais vu le soleil briller. On l'a retrouvé étendu dans une mare de sang. Mais pourquoi on dit une mare? Une tempête? Une violence? Un miracle de sang? Son sang, le sang de mon frère, le sang de mon frère, le sang de mon frère, mon sang, le sang de mon frère, mon sang, le sang d'Arthur. La compagnie des auteurs sur France Culture. Réentendre cela, Élise Vigier, qu'est-ce que ça évoque en vous? Je trouve que justement, par exemple, le soleil brillait comme je n'avais jamais vu que le soleil brillait. C'est-à-dire cette espèce de paradoxe de la vie entre la violence total et cet instant de vie qui est le jour où il apprend la mort de son frère, tout était réuni pour que ça soit un jour magnifique où le soleil brillait. C'est-à-dire que je trouve que Baldwin dans son écriture écrit les détails de la perception du corps aussi et du paradoxe toujours entre il y a une scène d'amour notamment qui est magnifique dans Harlem Quartet entre Crunch et Arthur, donc qui sont tout jeunes, qui sont en tournée dans le sud, et donc ils sont dans ce sud qui est hostile, qui est où va se produire la catastrophe d'après, c'est-à-dire où toutes les rues sont empreintes d'une disparition possible, du fait de savoir que finalement si on disparaît en tant que noir, C'est comme si on n'avait pas existé. Mm-hmm. Ça n'aura pas lieu, presque. Et au milieu de ça, il y a cette scène d'amour sublime où il écrit magnifiquement l'amour physique, l'amour érotique, l'amour d'un corps à corps, et en même temps, entre ces deux jeunes hommes. Donc en fait, et en même temps, ils savent que au dehors, ils ne vont pas pouvoir le dire. Ils ne vont pas pouvoir le dire. Donc il y a cette espèce de joie totale et en même temps ce terrible nuage parce que cet amour-là, il est cantonné à une pièce qui est une pièce fermée. On ne pourra pas partager avec le monde exactement. Cet amour-là. Et qui parle, ça parle de l'homosexualité, mais on peut retrouver aussi quelque chose de très proche de. D'une première expérience d'amour physique qu'on a pu tous vivre et qui est indicible, en fond, où il faut l'art pour en parler bien plus tard. Enfin, il faut le transposer. Alors, comment est-ce que vous avez travaillé ça pour le rendre sur la scène? Je crois que vous avez utilisé 6 comédiens. J'ai pas eu l'occasion de voir la pièce. Ouais. Alors, j'ai pas utilisé. Pardonnez-moi. J'ai pas utilisé 6 comédiens. On a travaillé avec 6 comédiens magnifiques qui, du coup, jouent plusieurs rôles que j'ai rencontrés en faisant des auditions, à part Nanténé Traoré, qui était donc une compagne de théâtre et de vie et d'amitié depuis longtemps, puisque je l'ai rencontrée avant même de faire l'école de théâtre au TNB. Et 2 musiciens, Marc Sens, bon moi je l'appelle Marco, mais Marc Sens et Emmanuel Léonard est aussi un compagnon de longue date, puisqu'il a fait plein de spectacles lucioles avec moi. Et dans les musiques, vous utilisez des discours de Martin Luther King, vous essayez d'actualiser un alors petit ça, peu. Alors ça, c'était dans la note d'intention, la première. Ah, finalement, vous l'avez pas fait. Non, nos notes ne sont pas à jour. On a travaillé avec des images, et il y a Nicolas Mesdom qui a fait tout un travail d'image avec moi aussi. Où on a donc été à Harlem prendre des images, on a retracé tous les lieux du roman, mais aussi repartir d'images d'archives. Donc c'est plus les images d'archives que les sons d'archives finalement. Et puis il y a deux types un peu si la note est toujours d'actualité de ce point de vue-là, il y avait des images qui étaient des décors un petit peu d'Harlem et puis aussi des images qui étaient davantage des souvenirs complètement que vous projetiez. Complètement. Il y a vraiment des scènes de fiction. Donc qu'on a tourné à Harlem, puisqu'il y a Saul Williams aussi qui joue le père d'Arthur et de Hall Montana. Donc ça, c'est une scène qu'on a tournée à Harlem, puisque c'est une des scènes fondatrices aussi du roman, puisque c'est le rapport du père qui finalement confie au grand frère le petit frère. Et qui parle de la musique, qui dit que la musique ne commence pas par une chanson, mais commence par un cri, qui est vraiment une déclinaison dans le roman. Ça ne cesse d'être là, ce chant entre le chant d'amour et le chant de mort, voilà, mm-hmm. entre le rapport au corps, parce que c'est vraiment un texte qui parle du corps beaucoup aussi. Et donc les images rendent aussi pour moi cette sensation au corps, cette sensation aux couleurs de Harlem, à la ville, aux arbres. Vous étiez allé à quelle époque En fait, la première fois qu'on y a été, c'était juste avant les attentats du Bataclan, puisqu'on est rentré le jour des attentats du Bataclan, ce qui était quand même assez violent dans ce rapport aussi à tout ça. Et la deuxième fois, on y est retourné en novembre 2016, donc un an plus tard, pour tourner les scènes de fiction. Ouais. Et vous avez voulu, je crois, retraduire le texte. Pour quelle raison? Alors, moi, j'avais donc lu la traduction existante en France. Et en fait, en allant à Harlem, déjà, je savais que je voulais retraduire parce qu'il y avait quand même un vrai travail d'adaptation. Le roman fait 800 pages et nous, ça fait 2h30. Donc, il y a quand même vraiment des scènes, d'ailleurs, magnifiques. Il faut absolument lire le roman qu'on n'a pas pu mettre. Enfin, il y a vraiment des choix faits dans l'adaptation. Donc, il y avait quand même un travail de réécriture, de condensation à faire. Et j'avais rencontré Kevin Kais, qui est traducteur de l'anglais, mais aussi du grec, et qui, en fait, a un rapport à la tragédie et au chant chez les Grecs, sur un autre projet. Donc, qui est dramaturge et qui a aussi travaillé sur l'adaptation. Voilà. Et du coup, en même temps que sur la traduction. Voilà. C'est lui qui a retraduit, parce que moi, je peux pas prétendre retraduire. Et en fait, on a trouvé le livre original, donc Just Above My Head, Et c'est vrai que c'était vraiment important de retraduire parce qu'en fait, il y a une oralité, il y a un rapport actif à la langue parlée et qui, quand même, dans le texte français, qui est magnifique quand même, mais je veux dire, est quand même moins fort que dans le texte américain. Et pour le théâtre, c'était essentiel de repasser par ce dire, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres romans que vous pourriez, dans le futur, adapter, d'autres romans de Baldwin, voire même des essais? Pourquoi pas adapter un essai au théâtre, puisque ces essais, on l'a bien vu, sont aussi des autobiographies. J'ai très envie d'adapter, et normalement je vais le faire si tout va bien, avec donc Jean-Christophe Folli, que vous avez entendu, qui jouait Hall, et Martial Di Fonzobo, qui est un compagnon de longue date à moi, qui mettait en scène et acteur aussi. Le portrait Avdon Baldwin, le texte Nothing Personal. Parce qu'Avdon était un ami de Baldwin, il s'était rencontré au lycée, comme on l'a vu. Voilà. Donc là, ça serait vraiment une petite forme, mais le texte de Baldwin est magnifique, les photos d'Avdon aussi. Et ce qui est fou, c'est que ça dresse un portrait d'une Amérique de l'époque, mais qui est vraiment... Maintenant, on est encore dedans. Enfin, on est encore dedans dans cette critique du monde néolibéral, voilà, avec tout ce qu'il comporte, comme faux rêve. Merci beaucoup Élise Vigier. Je rappelle que vous êtes metteuse en scène, fondatrice du collectif d'acteurs Le Théâtre des Lucioles. Et vous avez donc, on l'a expliqué, adapté ce roman Harlem Quartet de Baldwin au théâtre. On peut également signaler votre création M comme Méliès, qui est en tournée dans toute la France et qui se jouera du 15 au 19 mai au Théâtre Olympia de Tours, puis du 31 mai au 1er juin à la Comédie de Reims. C'est la fin de notre semaine consacrée à James Baldwin. Nous serons de retour dès lundi 15h pour une nouvelle semaine en deux parties. Celle-ci consacrée d'abord aux Mille et Une Nuits, puis à l'écrivain égyptien Naguib Mahfouz. Samedi, je signale qu'à 17h, vous retrouverez Christophe Onodibio pour Le Temps des Écrivains. Il recevra cette semaine Gabriel Talent et Philippe Djian pour une émission consacrée à l'Amérique. Tout de suite, la poésie, c'est avec Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. Nous sommes en plein colloque des télépathes. Même si c'est une retransmission en différé, nous reprenons les dernières phrases d'hier dites par Sandra Moussampès, l'auteur. C'est son dernier texte, poème, film, CD. Privé de château, j'ai dû trouver un habitacle à l'intérieur de ma pensée. Je suis devenu encerclé par les livres et j'ai commencé à chanter. Des bribes de mélodie qui s'accrochent à un nuage et pourraient te parvenir, j'ai voulu amplifier le son vertigineux entendu au loin. Je ne savais pas d'où venait ma voix, qui était le pendant éthérique à notre discussion fantôme. Et c'est la fin du poème post-gravida adressé au père. De la maison que nous avions cru un jour pouvoir habiter, je visualise une manière plus simple de cultiver ton magnétisme. L'ésotérisme donnerait peut-être un sens musical à notre enquête, mais ne la ferait pas avancer pour autant. Armé d'un ouvre-boîte universel, tu vis d'un poisson, petite consolation consanguine. Une phrase revient en boucle dans les haut-parleurs géants. Nous en sommes encore à tracer un ver luisant sous l'œil du soleil. Et l'on entend, je crois, l'on voit apparaître Emily Dickinson, car l'adieu, c'est la nuit. Un extrait de ses poésies, publié chez Gallimard, la traduction est de Claire Malroux. Je me dis, la terre est brève, l'angoisse absolue. Nombreux les meurtris, et puis après. Je me dis, on pourrait mourir. La meilleure vitalité ne peut surpasser la pourriture. Et puis après. Je me dis qu'au ciel, d'une façon, il y aura compensation. Don d'une nouvelle équation. Et puis après. Retour à Sandra Moussampès. Sandra Moussempès écrit « Préférer les limites aux circonstances ». Le trop est-il l'ennemi du poème ? Je feuilletais les revues américaines, je voulais revoir cette série. Avec toutes sortes de fragments sonores à raturer, la fille rousse était trop jeune, mais l'homme paraissait lumineux. Avec toutes sortes de fragments sonores à raturer, c'est aussi le propre du poème d'être une prouesse visionnée. J'ai donc préféré me démaquiller dans une salle de bain humide. J'ai donc préféré me démaquiller, la journée ayant mal commencé, juste avant le poème, une histoire que je ne vous raconterai pas, ou bien seulement avec des haut-parleurs réglables. Un extrait tiré de Sunny Girls. Sunny Girls, Sunny Girls, tiré d'affaires comme les dunes solaires. Merci Jacques Bonafé, vous consacriez cette semaine vos lectures à la poétesse Sandra Moussempès.